Selon le journal d'internet sud-coréen Tongil News, les activités pour mettre sur pied la statue de l'ouvrier réquisitionné de force au temps de la colonisation japonaise est livrée en Corée du Sud. La Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud ont fondé le 14 au Parlement le comité pour la promotion de la mise sur pied de la statue de l'ouvrier réquisitionné de force. Elles ont indiqué que si la statue de la fillette de la paix fait savoir la domination coloniale de l'impérialisme japonais, la statue de l'ouvrier réquisitionné de force sera le symbole du rêve de se débarrasser de la pression et de la vie esclave et traduira la volonté des ouvriers de se mettre à la tête du mouvement historique pour mettre au monde une nouvelle société. À la cérémonie de constitution, on a publié le manifeste à la suite des interventions.